mixtape avant la rupture. Yeah, DAM'S down. Ok, écoute ça. La musique, c'est ma vie. Grâce à elle, je survis. Grâce à elle, je survole mes problèmes les plus fous. Grâce à elle, je m'envole et je roule comme une roue. Le chantier de ma vie est un parc plein de lave. Le sentier de ma vie devient chaud, c'est de la lave. Je cherche des réponses, mais ma vie est un test. Pourquoi j'aime la France, ses campagnes et ses tests? Apportons notre pierre à l'édifice. Faisons nos prières anti-vice. Soyons fiers de nos fils, quelles que soient leurs bêtises. Maman, ne pleure pas, car ton fils est un soldat. Il combat pour aider quelques coupables présumés sans avoir exécuté. Malgré les coups bas, j'ai toujours su me relever. La vengeance se mange froid, je veux même pas la réchauffer. Une pensée, les quétincelles par rapport aux actes commis. On fait des excès de zèle pour prouver qu'on est en vie. Je prie jour et nuit. Mon meilleur pote c'est l'insomnie. Je combats les calomnies en espérant tuer ce zombie qui veille au fond de moi, qui me noie dans des tracas, qui me cloître dans une prison où une lueur devient la joie. Et perdu au fond du gouffre où tous mes rêves se font tuer, j'écris mes textes de ouf sur une vide grâce à de la buée. Je suis seul dans mon monde car personne ne m'accompagne. Au final, j'ouvre seul le champagne. Et n'oublie pas que la fierté des parents, c'est un cadeau à souffrir. Je passerai pas le nouvel an à sans cesse souffrir. La tristesse n'est qu'illusion quand le bonheur te fait la bise. Mais quand s'estompe la dérision, la tristesse rafle la mise. Je cherche cette faille qui permettrait de m'envoler. Je m'en consume tel un feu de paille, ce qui m'empêche de m'exprimer. Faut rester fort, savoir fonder. Les hommes n'ont pas de conscience, ils préfèrent boire et se buter au lieu d'attendre avec patience. Les hommes préfèrent lutter, mais dis-moi où est le butin pour que j'aille enfin le cramer. Ça attire toutes les putains, c'est plus voyant qu'une croix gammée. On s'entretue pour de la maille, overdose de routine. Aujourd'hui, car chair égale racaille, encore une phrase qui fascine. La mort me fait signe, mes chances sont affines, mais pourtant je les saisis. Si je l'ai, c'est magique, mais moi, j'ai toujours cru en la magie. Pas la peine de votre avis. En déduction, je dirais que... Je dirais quoi? Je dirais que... Que la vie est belle, que la vie mérite d'être vécue. Que la vie est belle, que la vie mérite d'être vécue. Que la vie est belle, que la vie mérite d'être vécue. Que la vie est belle, que la vie mérite d'être vécue.